عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. On continue avec les signes de la fin des temps et on est toujours dans les petits signes de la fin des temps. Ces petits signes qui nous rappellent qu'on s'approche de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de cette grande fin qui est le jour dernier. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous et à toutes une heureuse fin et de nous réunir tous ensemble au paradis auprès du prophète Mohammed عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَسْكَ التَّسْلِيمِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. On a parlé de ce signe qui fait partie des de signes de la fin des temps la semaine dernière, qui est quand le prophète alayhi sallam a parlé de ce signe, il a dit وَيَظْهَرُ الزِّنَا, l'apparition, d'accord, de plus en plus clair, de plus en plus voyant, de plus en plus répandu, c'est-à-dire ce mal qui est الزِّنَا, la fornication. On en a parlé dans les détails. Parmi les petits signes de la fin des temps, il y a ce que le prophète alayhi sallatou wassalam a dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dans Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Le prophète alayhi sallatou wassalam a dit بَيْنَ يَدَيِّ السَّاعَةَ يَظْهَرُ الرِّبَى. Ici, l'heure ne viendra pas, ou bien avant la venue de l'heure apparaîtra l'intérêt usuraire. Ça ne veut pas dire que ici l'intérêt usuraire n'a pas existé auparavant. Voilà qu'ici il apparaîtra de façon plus claire. Et le fait que les gens mangent, yani l'intérêt usuraire, ou donnent à manger de l'intérêt usuraire, ou soient témoins, comme on va le voir bi'idnillah azza wa jal, d'une transaction d'intérêt usuraire, ça va être quelque chose d'assez banal pour les gens. Et c'est pour ça que nous disons, parmi les causes qui font que l'apparition de riba ici va se faire de plus en plus clair, c'est que les gens auront banalisé, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et les années qui nous ont précédés aussi. Les gens auront banalisé, ont banalisé, ne cessent de banaliser les grands péchés. Et particulièrement le fait d'avoir de l'argent haram, ils ont rendu ça comme quelque chose de banal. Le fait de manger des choses illicites, ils ont rendu ça comme quelque chose de banal. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, les gens connaîtront une époque. Les gens connaîtront une époque. La ya'tiyanna 'ala an-nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Les gens connaîtront une époque durant laquelle la personne ou durant laquelle la personne ou laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune. Est-ce de manière halal licite ou est-ce de manière haram illicite? C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit à 14 siècles. Une époque va venir où les gens ne feront plus attention. Est-ce que l'argent qu'ils ont, ça vient d'une source halal ou d'une source haram? Alors que le croyant, le musulman, non seulement il doit se poser la question quand il a de l'argent entre les mains, quand il a des habits entre les mains, quand il a de la nourriture entre les mains, non seulement il doit se poser la question ici, est-ce que cet habit est halal, mais d'où j'ai eu l'argent pour me procurer cet habit-là aussi? Et comment je vais utiliser cet habit? D'où j'ai eu l'argent pour me procurer cette nourriture? Et comment je vais ici utiliser cette nourriture? D'où j'ai eu cet argent et comment je vais dépenser cet argent? C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, l'être humain ou le croyant plutôt, avec une traduction approximative, ne quittera pas l'esplanade des comptes au jour de la résurrection avant d'être interrogé sur des choses. Parmi ces choses-là, son argent, al-mal, min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, d'où il a eu cet argent et où il a dépensé cet argent. Il rendra des comptes non seulement sur le fait ici qu'il a eu cet argent de façon illicite, s'il a eu d'une façon illicite, mais où il l'a dépensé. Il sera interrogé, est-ce que tu as eu cet argent de façon licite ou pas? Et s'il l'a eu de façon licite, ça ne s'arrête pas là. Où tu as dépensé cet argent? Est-ce que tu l'as dépensé dans des choses licites ou dans des choses illicites? Voilà qu'il malheureusement nous sommes dans une époque, comme vous le savez tous et toutes, où la majeure partie des gens, je ne dis pas des musulmans mais des gens, d'accord, ici ne se préoccupent même pas de savoir est-ce que cet argent vient d'une source halal ou pas. Et ils ne se préoccupent même pas de savoir ici est-ce que leur argent ils le dépensent dans des choses licites ou pas. Comment voulez-vous qu'ils se préoccupent ici du fait que leur argent vienne de riba ou pas? Peu importe. Le principe c'est d'avoir de l'argent et de le dépenser en satisfaisant ses plaisirs, ses passions et ses désirs. Wal'iyadu billah. Et c'est parmi les causes qui ont fait que de plus en plus de personnes ne cessent de tomber dans riba. La banalisation du péché. La banalisation ici de cette question, est-ce que mon argent vient d'une source illicite ou pas? C'est pas grave. Il y a une année, on se pose plus la question, c'est devenu quelque chose de banal d'avoir de l'argent haram ou pas. On se préoccupe plus de savoir si notre argent est licite ou pas. Alors que riba a été interrogé, a été interdit clairement par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Clairement, il n'y a pas d'interprétation à donner pour pouvoir vraiment comprendre est-ce que riba est haram à travers des versets coraniques qui ne peuvent pas être compris par tous et toutes. Non, c'est très clair. Riba, c'est une chose interdite par Allah Azza wa Jalla, et quand Allah en a parlé dans le Coran, c'est quelque chose de très clair, compréhensible par tous et toutes. Naam. Il y a des versets qui quelquefois sont ambigus dans le Coran al-Karim, d'accord? Et les gens de science les renvoient aux versets clairs pour les comprendre, d'accord? Allah Azza wa Jalla, il nous ordonne de renvoyer, c'est-à-dire aux gens de science, de renvoyer ces versets qui nous paraissent ambigus dû à notre manque de compréhension et de science aux versets plus clairs pour les comprendre. Voilà qu'il y a des versets qui sont très clairs. Il n'y a même pas besoin de les renvoyer à d'autres versets clairs, comme les versets concernant al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam, dans le Coran al-Karim et dans la sunna authentique, il nous rappelle qu'il y a des gens qui vont ressusciter dans une position louable. Et il y a des gens qui vont ressusciter dans une position humiliante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste, il est équitable. Celui qui ressuscitera dans une position louable, il l'aura mérité, il aura travaillé pour ça. Et c'est pour ça qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit cette phrase très connue, « Man aasha ala shay'in, mata alayh. Wa man mata ala shay'in, bu'ita alayh. » Celui qui a vécu dans une habitude, dans une chose, le fait yani, de faire beaucoup de prières par exemple, en général, il meurt dans cette même habitude, dans un acte de piété. Et celui qui meurt dans cet acte de piété, il ressuscite auprès d'Allah Azza wa Jalla dans cet acte de piété. D'accord? Et l'inverse, de même. Celui qui meurt dans un état de perversité, d'accord, dans des habitudes mauvaises, celui qui vit dans ces habitudes-là, il mourra dans ces habitudes-là. Et ça, c'est prouvé. Et celui qui meurt dans ces habitudes-là, il ressuscitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette même position, en train de boire de l'alcool, en train de fumer, en train de mentir, en train, continue si tu veux. Clair? Allah Azza wa Jal, il rappelle qu'il y a des gens, où le prophète alayhi salatu wa sallam, il rappelle dans la sunna authentique qu'il y a des gens qui ressusciteront au jour de la résurrection en train de faire at-talbiya. Le prophète, il l'a dit. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ces paroles kalimat al-tawhid. Ils ressusciteront dans cette position. Pourquoi? Ils sont morts en train de faire al-hajj. Et il y a d'autres personnes, wal-iyadu billah, qui ressusciteront auprès d'Allah Azza wa Jal scandalisés, comme ceux qui ont mangé les intérêts usuraires, ceux qui ont consommé les intérêts usuraires, ou bien ceux qui ont donné à manger des intérêts usuraires. Certaines personnes ils disent, moi je les mange pas mais je les donne à manger. Donc je fais un riba, moi je les mange pas mais je les donne. C'est des intérêts que je donne. Écoute bien et on va voir le hadith rapporté par Muslim selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu an abi. Allah Azza wa Jalla parle de ces gens-là et il dit, Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas. Celui qui mange, qui pratique les intérêts usuraires, qui mange des intérêts usuraires, qui est baigné, qui est noyé, qui consomme des intérêts usuraires avec une traduction approximative, ou alors même que tu donnes des intérêts usuraires, tu es dans ce monde de riba wal-iyadu billah. Allah Azza wa Jal, il dit, ils ne ressusciteront que comme celui qui a été bouleversé par le toucher de shaytan wal-iyadu billah. Comme celui qui a été possédé. Et comme je le dis souvent, il suffit de voir des gens qui sont vraiment possédés. Il y a des gens vraiment possédés par des shayatines, quelquefois un, quelquefois deux, quelquefois cent, quelquefois mille djinns, ça existe. Et va le voir quand tu lui fais الرقية الشرعية. Tu commences à lui lire le Coran al-Karim. Quelquefois, il va se mettre à sauter, à crier, à agir comme un fou. Quelquefois, il va rire. Quelquefois, il va pleurer. Il va baver. Il va faire n'importe quoi. Il va sauter partout. Il va faire des gestes avec son corps, wal-iyadu billah, qui traumatise et qui fait peur. Ou plutôt des gestes qui font peur. Allah Azza wa Jal, il te donne une image. Il te dit, si toi tu manges al-riba, si toi tu manges et consommes ces intérêts usuraires, tu ressusciteras auprès d'Allah Azza wa Jal dans cette position-là. Ici, en ayant ce comportement, wal-iyadu billah. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont banalisé le fait d'avoir de l'argent haram, de manger des choses haram, de s'habiller de haram. C'est devenu banal. Et on le voit au jour d'aujourd'hui quand tu dis à des gens, ici par exemple, regarde un tel, il se nourrit alors de la nourriture, et cette nourriture, il l'a achetée avec de l'argent, de la drogue. Beaucoup de gens sont choqués. Il y a de l'argent, de la drogue, et il y a de quoi être choqué ici. C'est tout à fait normal, c'est de l'argent sale, wal'iyadu billah, sa nourriture est sale. Ou alors quelqu'un, tu lui dis, hadak, celui-là que tu vois, mashallah, il vient à la mosquée, il est droit, il est honnête, mais il mange de l'argent de riba, c'est comme si c'était pas aussi grave. Écoutez bien, que celui qui mangeait, d'accord, de la nourriture venant, ou qui a été acheté avec de l'argent de la drogue. Je répète, c'est comme si c'était pas aussi grave. Moi, je vous dis, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et pourquoi pas, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le Coran al-Karim directement de ceux qui ont consommé les intérêts usuraires. Premièrement, il suit bien avec moi. Il dit clairement dans le Coran al-Karim, des versets coraniques qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam et qui n'ont cessé d'être récités, qui ne cesseront d'être récités jusqu'au jour de la résurrection, que cette personne-là, il va ressusciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une personne qui a été bouleversé par le toucher de shaitan. Première des choses. Parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant ceux qui mangent al-riba, écoute bien, il nous dit qu'ils sont maudits. Donc regardez comment il va ressusciter. Ils sont maudits, rapporté par Muslim, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu an abi Jabir il a dit, la'ana rasulullah alayhi salatu wassalam, ils sont maudits. Et celui qui a été maudit par Allah ou par le prophète, kharaja min rahmatillahi azza wa jal. Il sort de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Regardez comment on minimise et comment on a banalisé, et même les gens en général. Qu'ilhamdulillah. Ici, ils te disent, je reconnais que c'est haram. Par manque de science, quelquefois, ils ont banalisé quand même ce péché. Regardez le prophète alayhi salam, il a dit à 14 siècles. Ici, les gens vont banaliser. Regardez certains péchés, l'argent illicite, ils vont rendre ça comme quelque chose de banal, mais en général, c'est à cause de quoi? C'est à cause du manque de science. Même les gens qui te disent c'est haram, quelquefois ils prennent pas ce péché comme il se doit. Ils ne comprennent pas la gravité de ce péché comme il se doit. Suis bien et retiens bien et utilise ces arguments pour faire ad-da'wah, l'appel à Allah Azza wa Jal, aux gens qui consomment ou qui donnent à manger des intérêts usuraires. وهذا بالحكمة والموعظة الحسنة. Et cela bien sûr avec sagesse et bonne exhortation. ولكن الحق, la vérité doit être montrée et on doit la montrer ouvertement sans complexe, mais avec douceur et sagesse. Écoute bien, ils ressusciteront dans cette position. Deuxième des choses, ils sont maudits. Rapporté par Muslim, selon Jabir, il dit le prophète a maudit آكل الربا ومؤكلا وكاتبا وشاهدي وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. Le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui mange al-riba, celui qui mange, wa mu'kila, celui qui donne à manger. Ah, je fais un crédit, je donne aux gens, c'est pas grave, c'est pas moi qui mange. Non, le prophète il a dit, rapporté par Muslim, wa mu'kila, celui qui le donne à manger. Écoute bien et suis avec moi, wa katiba, ah, les scribes, même celui qui, ceux qui disent je peux travailler dans une banque avec qui il travaille avec des intérêts usuraires, mais lui, miskin, il sait pas qu'il est en train de cautionner. Et Allah azza wa jalla a dit dans le Coran al-Karim, wa la ta'awanu ala al-ithm wal-udwan. C'est un verset coranique qui est une règle générale à appliquer. Ne vous entraidez pas au péché et à la transgression. Il cautionne, alors que le prophète alayhi salatu wassalam montre que c'est interdit même de cautionner de loin les transactions usuraires. Wa katiba, celui qui écrit. Wa shahidai, même les témoins. Khalas, toi tu ne manges pas, tu donnes pas à manger, mais t'écris. Même t'écris pas, mais t'es témoin. Donc on te prend comme témoin de cette transaction. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ils sont tous maudits. Plus que cela, le prophète il les a tous maudits. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il dit, hum sawa, ils sont tous au même pied d'égalité. Ils sont tous au même pied d'égalité. Deuxième des choses, la personne qui mange al-riba, il est maudit wal iyadu billah par le prophète alayhi salatu wassalam. Regarde comment il ressuscite et suis bien, je répète pour bien retenir ici, il est maudit par le prophète alayhi salatu wasalam, et le hadith est rapporté par Muslim. Continue avec moi. Pour te montrer la gravité de ce péché qui est riba. Faut bien comprendre. Parce que ce n'est pas injuste. Si Allah azzawajal en a parlé, dans plus d'un verset dans le Coran al-Karim, il a été très dur et très sévère. Ici, quand il a mis en garde contre le riba, ce n'est pas pour rien. Regarde ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Et le prophète alayhi salatu wasalam, est-ce qu'il a comparé celui qui mange le riba avec celui qui fornique? Pourtant, on a fait un serment sur la fornication. On a rappelé ici la gravité de ce péché. Et que c'est un grave péché qui fait partie de le kaba'ir wal'iyadu billah. Avec cela, le prophète, est-ce qu'il l'a comparé, celui qui mange le riba, à celui qui fornique? Abadan, jamais. Il l'a comparé à pire que celui qui fornique, je dis bien, et je ici me rectifie un peu, pire que celui qui fornique avec une femme. Pire. Pire que celui qui fornique avec 5 femmes. Pire que celui qui fornique avec 15 femmes. Pire que celui qui fornique avec 20 femmes. Écoute bien le hadith. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le hadith, il est rapporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Al-riba, 73 bab. Il dit, Al-riba, avec une traduction approximative, est de 73 portes ou 73 parties. D'accord? Il y a 73 degrés, si tu veux, dans le riba. Il y a 73 parties ou 73 degrés dans le riba. Le prophète, il le dit. Authentifié par Cheikh Al-Albani. Et il dit, alayhi salatu wassalam, aïsaruha mithlu an yankiha rajulu ummah. Le degré le plus bas de riba, c'est comparable à ce que l'homme ou à un homme qui fornique avec sa mère. Le degré le plus bas de riba. Le degré le plus bas de riba, alors que le prophète, il a dit, c'est riba 73 parties à peu près. Et il dit le degré le plus bas de riba, c'est pas le haut degré, le plus bas de riba. Ici, parce que plusieurs personnes font du commerce et ne se rendent même pas compte qu'ils sont tombés dans le riba. C'est une science, le commerce. Pour ça, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, il ne laissait personne aller vendre dans les marchés à midi sans qu'il ne soit pas passé par cette porte qui est la porte de al-fiqh. La jurisprudence dans le commerce, cette tijara. C'est une science, cette tijara. Et si tu dois apprendre ici cette science-là, c'est pour pas, pour t'éviter de quoi? D'être injuste, inéquitable, de dévorer les biens de ton frère ou de ta sœur de façon illégitime et de tomber dans le riba. Et il dit le degré le plus bas de riba, c'est comparable à ce que fait l'homme ou si un homme forniquait avec sa mère. C'est comme si toi, wal'iyadu billah, tu forniquais avec ta mère. C'est choquant. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et nous disons, inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Continue avec moi. Un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, rapporté par At-Tabarani et Ahmed, et rapporté par Ahmed et Tabarani dans Kabir. Authentifié par Sheikh Al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dirham. Dirham ou riba. Un dirham de riba. Regardez, ça c'est pas 100 dirhams, millions, des millions de dirhams. Ce que font les gens quand par exemple ils vont faire un crédit, je fais un crédit de 100 000 euros. Un dirham de riba. Ou dis si tu veux, un euro ou alors un dirham d'aujourd'hui. Une somme très très très très faible. Une toute petite somme. C'est comparable à quoi? Dirham ou riba, ya'kuluhu rajul, wa huwa ya'lam, ashaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. Le prophète alayhi salatu wasallam dit un dirham de riba que mange l'insan, la personne, et il sait que c'est haram, que ça vient du riba, ici c'est encore plus grave. Achad, c'est encore plus grave que sittatin wa thalathin. Subhanallah, ça c'est comparable à combien? Fornication. 36 fornications. Je vous ai dit que ici, il n'est pas comparable à celui qui a fait 15 fois la fornication. Il n'est pas comparable à celui qui a fait 20 fois, 25 fois. C'est plus grave que celui qui a fait 36 fois la fornication. Et pourquoi pas, alors qu'on a cité précédemment dans le hadith rapporté par le Hakim, authentifié par Cheikh Al-Albani, il est comparable à celui qui fornique avec sa mère, wal'iyadu billah. C'est plus grave que celui qui fornique avec sa mère. C'est plus grave que celui qui fait 36, ou comparable à celui qui fornique avec sa mère, plus grave que celui qui fait 36 fornications. Ensuite, on va nous dire, ouais, mais c'est pas grave, lui, ba'da, il travaille dans le halal, là, ou le dé. Tandis que l'autre, il fait des choses graves. Lui, il est grave, et l'autre, il est grave. Ne me dis pas, celui-là, c'est grave, et celui-là, c'est pas grave. Parce que sinon, tu es encadré par le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il a dit, les gens connaîtront une époque durant laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune. Est-ce de manière licite, ou est-ce de manière illicite? 14 siècles, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit. Et ces paroles, on les retrouve dans les familles. Des croyants et des croyantes. Des musulmans et des musulmanes. Ce n'est pas grave. Et ils ne se préoccupent plus, est-ce que c'est halal ou haram. Et ils cherchent des fatwas qui leur arrangent. Et ils cherchent ce qui assouvit, ou plutôt leur plaisir et leur désir. Ce qui réconforte, ici, cette âme qui est النفسu la ammaratum bisou, l'âme a cicatrice au mal. Ah, khlas, un tel sheikh a dit que c'était autorisé le riba en Europe. Alors qu'il n'y a jamais aucun savant qui a dit que le riba, les intérêts usuraires, étaient autorisés. Ça n'existe pas. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. À l'unanimité des savants, contemporains et plus anciens, à l'unanimité des salafs, à l'unanimité des sahaba, des compagnons, ils ont tous dit que les intérêts usuraires étaient interdits, haram. Voilà qu'il y a certains gens de science qui ont fait ce qu'on appelle des ijtihadat, des efforts pour dire, est-ce que telle personne, et une fatwa, ayu al-ahibba, on ne l'utilise pas de façon générale. En général, quand les muftis, le mufti, il donne une fatwa, soit c'est pour une personne, soit c'est pour une ville, soit c'est pour un pays, soit c'est pour un moment bien précis, c'est pour une situation bien précise. C'est pas à utiliser de façon générale par tout le monde, à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit. Certains savants ont donné une fatwa pour une catégorie de personnes qui se retrouvent dans ce qu'on appelle ad-daroura, la nécessité. Et ils ont dit, telle personne, s'il est dans telle situation, il est dans ce qu'on appelle ad-daroura. C'est-à-dire la nécessité. Ah, d'accord? La nécessité. Celui qui se retrouve dans la nécessité, ils disent, à ce moment-là, il a le droit de pratiquer ce qu'on appelle les intérêts usuraires. Là, d'accord. Mais ne me dis pas, ils ont rendu autorisés les intérêts usuraires. Ça n'existe pas. Celui qui dit les intérêts usuraires sont halal, il est kafir. Il sort de l'islam, bi-ijma' al-ulama, parce qu'il va rendre une chose licite qu'Allah a interdite. On est d'accord. Là, ce n'est pas ça qu'ils ont dit certains gens de science. Ils ont dit certaines personnes, quand ils se retrouvent dans darour à la nécessité, ils peuvent faire des crédits bancaires. Ça, c'est une très très très très grande minorité qui a autorisé pour certaines personnes, d'accord, qui vivaient en Europe. Voilà qui nous disons ici, comme on dit les gens de science, cette fatwa, elle est ici erronée. Cette fatwa, elle est batila. Pourquoi? Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens de science qui ont répondu à cette très grande minorité. À ceux qui ont dit que certaines personnes d'Europe, particulièrement des gens en France, étaient dans Daroura. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Yachir, moi je vis dans des cités. Et ici, par crainte de bien éduquer mes enfants, je veux prendre une maison. En m'écartant de telle et telle cité, pour bien éduquer mes enfants. Est-ce que je peux faire un crédit? Hadith Daroura. Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama? Et regarde ce qu'ils ont donné comme définition l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa concernant Ad-Daroura. Et les quatre grandes écoles, leurs définitions se rejoignent. De façon générale, ils ont tous dit « Man khafa ala nafsihi min al-halak fa huwa fi ad-darura. » Celui qui craint pour sa personne qu'il meure. La destruction. Il craint pour lui la destruction. Il craint pour lui la mort. Ou alors il craint de perdre un de ses membres. Ou il craint d'être touché de façon très grave ou très violente dans son honneur. Là, c'est daroura. Et dans daroura, Allah Jalla Jalaluhu, dans le Coran Al-Karim, il nous a rappelé que quoi? À daroura, tu as le droit de manger même du porc. On a le droit de manger du porc dans daroura ou pas? Tu es dans un désert. Et ici, il n'y a rien d'autre à manger que du porc, que de la viande, al-khinzir. Est-ce que tu as le droit de manger? Tu dois obligatoirement manger. Walakin, ici, elle est à apprécier à sa juste valeur. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle dans le Coran Al-Karim, que ici tu ne dois pas consommer plus que ce qu'il te faut. Tu manges que pour survivre, parce que tu es dans une nécessité. Ici, tu ne manges pas, tu vas mourir. Et ici, quand tu as mangé ce qu'il faut, ce qui te suffit pour survivre, tu dois arrêter. Pareil, si tu n'as rien d'autre à boire que de l'alcool. Ici, et tu vas mourir de soif, tu bois juste un peu, pas pour te, entre guillemets, te saouler. Voilà qu'ici, tu bois un peu pour survivre et tu n'as pas le droit d'en abuser. On est d'accord. Donc ça c'est une daroura. Dans la daroura, ici les choses les plus interdites en islam, elles sont autorisées, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que daroura? Billahi alaykoum, nous on est dans daroura en France, il y a des personnes qui nous disent maintenant, ils disent, oui mais regarde, on perd de l'argent. Moi par exemple, je vais prendre un loyer. Et ça c'est des phrases que je vous dis atypiques. Hein. On prend un loyer et on touche par exemple tous les mois, on paye tous les mois 500 euros, à titre d'exemple. Donc tous les mois je donne 500 euros, je ne revois plus cet argent. Tandis que si je fais un crédit, je donne la même somme, 500 euros, mais par contre, ici, cette maison ou cet appartement m'appartient. On entend souvent cette parole. D'accord. Si ta théorie était bonne, donc dans ces cas-là, moi je vais dire, mais pourquoi je vais me casser la tête à aller travailler pour 1000 euros tous les mois, mon frère? Moi je vais aller vendre de la drogue. Au bout de 2 semaines, je vais gagner 10 000 euros. Regarde, pourquoi je vais me casser la tête à me fatiguer? Je vais gagner 1000 euros pendant un mois. Et en plus de ça, j'aurai même pas beaucoup de temps pour apprendre ma science. Là, je fais 2 semaines de business, je vais gagner 5000 euros, j'ai 2 semaines pour apprendre ma religion. On n'est pas en train de parler de, ici, le résultat. On parle de la façon de faire. Si on regarde que le résultat, va vendre la drogue. Va vendre ce que tu veux, va vendre l'alcool, tu vas gagner peut-être plus d'argent. Mais on est en train de te dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des façons de faire qu'il a interdit. Peu importe le résultat, peu importe la somme, ici que tu vas gagner. Ici, on regarde la façon de faire. La façon de faire est illicite, c'est ce qui nous importe. Amma, que tu vas gagner plus ou pas, ça nous importe peu. Ça, c'est une théorie erronée et fondée sur les passions et sur du vent. Ça ne tient pas debout cette théorie-là avec simplement le petit exemple qui me traverse l'esprit que je vous donne. Nous, c'est la façon de faire qui est interdite. Et même, pour te rappeler que même ça, ta théorie, c'est une fausse théorie. Si c'était vraiment vrai, c'est-à-dire c'était vraiment réel ce que tu disais, que à travers les intérêts usuraires, il y avait plus de bénéfices. Billahi alaykoum. La crise mondiale qu'il y a à notre époque au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de quoi? Les grands commerçants, les grands experts comptables, c'est à cause de quoi? C'est un expert comptable, machin, ou c'est un professionnel dans la matière. Ici, c'est à cause des intérêts usuraires, l'argent virtuel, si on veut. Et même, on voit à travers les informations, etc., combien de gens, dans des pays comme les États-Unis, etc., même en France, même dans des pays musulmans, ils se sont retrouvés où? À la rue. Après avoir vécu pendant des années avec une belle voiture, avec une belle maison. Mais à la fin, ils ont été dépassés par les événements. Ils ont été, si on veut, écoutez bien, au-dessus de leur capacité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous rappelle que c'est déconseillé. Écoutez, même s'il n'y a pas d'intérêt usuraire, de s'endetter. Subhanallah. Un compagnon est mort, il avait des dettes. Le prophète, alayhi salam, il a dit, priez sur votre frère. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas remboursé ses dettes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il demandait protection près d'Allah, azza wa jal, contre ad-duyun, contre les dettes. Pourtant, les dettes, il n'y a pas d'intérêt usuraire. Je parle des dettes où il n'y a pas d'intérêt usuraire. Tu me prêtes 1000 euros, je te rends 1000 euros, tout simplement. Mais il demandait protection près d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Contre les dettes. Le fait d'accumuler les dettes. L'âme reste suspendue tant que tu n'as pas remboursé les dettes d'un mort, d'un décédé. La première des choses que tu dois faire quand une personne meurt, ici c'est quoi? C'est d'aller voir sa voici à son testament et de voir s'il est endetté, de rembourser ses dettes. C'est la première des choses. Regardez. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal, ils ont fermé les portes à quoi? Au fait d'aller au-dessus de ses capacités, de se noyer. Ici, alors qu'on ne peut pas assumer des choses, va selon tes capacités. Au lieu d'aller prendre une voiture à 20 000 euros, ici, et qui ne t'appartient pas ou t'appartiendra peut-être qu'au bout de je ne sais combien d'années, ici, va prendre une voiture à 2 000 euros. Et alhamdoulilah, tu sais qu'elle t'appartient. Si demain elle casse, tu n'as rien à rembourser. Voilà qu'une si tu as une voiture à 15 000 euros et tu la payes tous les mois, elle casse ou elle brûle, tu n'es pas assuré. Parce qu'on part sur un principe de base religieux, l'assurance, à la base, c'est on connaît la réponse. Donc ici, tu vas te retrouver, au début tu avais une voiture à 15 000 euros, mais tu vas te retrouver avec quoi? Une voiture à... Non, tu as moins 15 000 euros. Regardez, c'est aller au-dessus de ses capacités. On parle même pas des intérêts usuraires. Alors rajoute sur ça les intérêts usuraires dont le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'est comparable au fait que l'homme fornique avec sa mère. Encore plus grave, il n'a pas dit comme, plus grave que 36 fornications. Tu ressuscites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui a été bouleversé par le toucher de shaitan. Tu es maudit par le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et avec ça tu vas me dire je suis dans daroura. Dans daroura? Alors que Allah azza wa jal il parle comme ça de riba et le prophète alayhi salam il t'en garde aussi sévèrement de riba et toi tu facilites la daroura alors que tu n'as même pas compris c'était quoi qu'à daroura, où elle est le risque pour toi ici de perdre ta vie si tu ne fais pas un crédit pour avoir une maison. Ici les savants ils ont dit oui, celui qui se retrouve par exemple dehors et il grêle et il neige et il y a un froid terrible, s'il ne fait pas un crédit sur place pour avoir un toit où dormir, d'accord, sous lequel il peut dormir avec sa famille, il risquerait d'être dehors et peut-être il va mourir avec sa famille. Là, il n'y a pas de problème, fais un crédit, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais si tu peux faire un crédit pour avoir simplement une maison à 3000 euros pour dépanner, d'accord, ne va pas dire, ah, je peux faire le crédit, donc là-bas, autant aller jusqu'au bout, je vais faire un crédit pour avoir 100 000 euros. Non, vous avez compris? Ici, c'est apprécié à sa juste valeur. Tu prends que ce qu'il te faut, le strict minimum. Allez voir ceux qui ont pris cette fatwa-là. De, oui, je peux faire riba. Donc dans ces cas-là, prends le minimum. Et tu vas voir qu'ils prennent tous des grandes maisons. Ils disent, bon, maintenant, je fais. Donc ici, c'est la preuve qu'ils ont suivi que leur passion. Est-ce que ça s'arrête là? Ça s'arrête pas là? Continue avec moi. Donc on a dit tous les principes ou tout ce qui découle de riba, les choses mauvaises. En plus de cela, tu crois avoir beaucoup d'argent. Quand tu as fait al-riba, tu crois, alhamdoulilah, tu as fait un crédit 100 000 euros, 50 000 euros, 20 000 euros, 10 000 euros, tu crois, tu as beaucoup d'argent. On a rappelé concrètement que c'est que éphémère quelque part, c'est de l'argent virtuel, qui ne t'appartient pas vraiment. D'accord ? Allah, il l'a dit dans le Coran al-Karim, il a expliqué pourquoi cette raison, ce qui se passe maintenant, la crise économique mondiale, cet argent virtuel. Tu crois avoir beaucoup d'argent, mais en fin de compte, il ne t'appartient pas. Pourquoi ? Car Allah, Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, « يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ » Allah, il l'a dit dans le Coran al-Karim. Allah, subhanahu wa ta'ala, il te rappelle, « Ya Abdallah, que les causes, comme je le dis souvent, ne profitent en rien et ne peuvent nuire en rien sans celui qui met les faits dans les causes. » C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim alayhi salam, quand ici ils l'ont jeté dans le feu, Allah jalla jalaluhu nous a rappelé que quoi? Le feu ne peut brûler que si Allah azza wa jalla donne l'autorisation au feu de brûler. Les causes ne peuvent nuire et profiter en rien sans la permission de celui qui met les faits dans les causes. Il a dit, قُلْنَا يَا نَارَ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى Ibrahim. Allah il dit dans le Coran al-Karim, on a dit au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et ici, dans une version comme l'a rapporté Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Ibrahim était dans un des jardins du paradis. Dans un jardin des jardins du paradis, pourtant il était dans le feu. Mais le feu n'a pas brûlé, car les faits n'étaient pas là. On continue, on a la preuve avec Ibrahim, alayhi salam, et son fils, Ismaïl. Quand il a voulu égorger, sacrifier son fils. D'accord? Quand il a vu dans le rêve qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné d'égorger son fils. Et quand il a voulu égorger dans certaines versions, le couteau, il ne coupait pas. Les gens de science ont rappelé que ici le couteau c'est une cause et le fait qu'il coupe ça c'est un effet qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans le couteau. Si Allah azza wa jal ne veut pas que ce couteau coupe, il ne coupera pas. Il n'a pas coupé au moment où il voulait sacrifier son fils Ismaïl. Et ça nous rappelle ayyuhal ahibba que celui qui met les faits dans les causes c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle aussi al-baraka, la bénédiction. Allah il dit yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah anéantit. Il anéantit, pas de baraka, il anéantit l'intérêt usuraire dans Sourate al-Baqarah. Il anéantit l'intérêt usuraire, mais par contre, il fait fructifier les aumônes. Il anéantit l'intérêt usuraire et il fait fructifier les aumônes. Si tu as beaucoup d'argent qui proviennent de n'importe quelle source illicite et encore plus de riba, les intérêts usuraires, sache qu'il n'y aura pas de baraka. Et va voir les gens même qui ont de l'argent illicite. Qu'est-ce qu'ils disent tous ? Wallah, tu sens rien du tout. Il va passer des années et des années dans le haram, dans l'illicite. Et tout le monde le sait. Que ça soit de l'argent, yani des jeux d'hasard, de la drogue, de riba. Wallah, et concrètement, tu revois le voir dans 20 ans, s'il est toujours vivant, s'il ne s'est pas fait tuer, s'il n'a pas fait un accident, s'il n'est pas devenu handicapé, s'il n'est pas en prison. Ça, je dis, je prends dans le principe où c'est très rare. Tu le vois encore, il est toujours, il marche toujours sur ses pieds. Va le voir et dis-lui, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien. Bien plus que cela. Va le voir et dis-lui, je me rappelle d'une personne une fois, quand on faisait la tournée pour avoir de l'argent pour la construction de la mosquée. Une personne qui était dans l'égarement, dans l'argent du jeu de hasard, etc. Il avait de l'argent illicite. Quand on lui a dit, donne-nous, mais par contre, nous on prend pas d'argent illicite, parce qu'on savait qu'il faisait des choses illicites, les jeux d'hasard, les choses comme ça, etc. Il y en a des choses illicites. Et il avait beaucoup d'argent, mais il l'a eu de façon illicite. Quand on lui a dit, donne-nous de l'argent, il voulait donner, mais quand on lui a dit non. Al-halal ya akhi al-habib, inna Allah tayyib, wa la yaqbalu illa tayyib, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Wallahi al-adim, il a dit, je viens de me rendre compte que je n'ai même pas un euro. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas même pas un euro. Pourtant, il a de l'argent. Walakin, quand tu n'as pas d'argent halal, tu n'as pas d'argent ya Abdallah. Bien plus que cela, tu as de l'argent qui va t'apporter que du malheur. Et cet argent-là est voué à éphémériter et à disparaître. Car Allah a dit, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah anéantit l'intérêt usuraire, mais par contre, il fait fructifier ici les aumônes. Continue avec moi. Allah Jalla Jalaluhu. Avec tout ça, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et comment on va dire que c'est fini alors que regardez la chose la plus grave et l'avertissement le plus sévère, la mise en garde la plus dure, elle vient maintenant. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhannas, ittaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allah Azza wa Jalla dit, ô vous les gens, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire. Allah il te l'ordonne, ô vous les gens. Il ne dit pas les musulmans, il s'adresse à tout le monde. Et c'est qui est concerné au jour d'aujourd'hui par les crises économiques, la crise à cause des banques qui font faillite, c'est qui? C'est les gens. Allah dit, ya yuhannas, les gens. Craignez Allah, craignez votre Seigneur, on a tous le même Dieu. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et délaissez l'intérêt usuraire si vous êtes vraiment croyant. Si vous êtes vraiment croyant. Ensuite Allah Azza wa Jalla il dit, si vous ne le faites pas, si vous délaissez pas الرِّبَى فَأَذَّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Après les gens vont nous dire الرِّبَى c'est pas grave, faut pas exagérer, faut pas être trop dur. Allah lui-même dans le Coran al-Karim, et c'est le seul moment dans le Coran al-Karim où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la sorte concernant un grand péché. فَأَذَّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si vous ne délaissez pas le riba, le fait de manger, de donner à manger, d'être témoin, d'être le scribe, Allah Azza wa Jalla il dit quoi? Alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. T'as déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite tu pleures. Pourquoi mes enfants sont égarés? Pourquoi je n'ai pas de baraka dans ma vie? Pourquoi il ne m'arrive que des malheurs? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi ma foi augmente pas? Pourquoi? Mais pourquoi tu as déclaré la guerre à Allah Azza wa Jal, celui qui donne le baraka, celui qui donne le bien, celui qui enlève le mal? Tu lui as déclaré la guerre à Allah et à son messager. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Comparé à celui qui fornique avec sa mère, pire que celui qui fait 36 fornications, maudit par le prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, tu reçois la guerre. Regarde l'annonce de la guerre de la part d'Allah Azza wa Jal et de son messager alayhi salatu wassalam. Tout cela, billahi alaykoum, après les gens ils viennent nous dire, ce n'est pas grave, al-riba, sadaqa rasulullah yaqul. Certes, a dit le vrai le prophète alayhi salatu wassalam quand il dit, les gens connaîtront une époque durant laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune, est-ce ici de manière licite ou alors de manière illicite. Et quand quelqu'un fait un grand péché en islam, il ne peut ici se préserver de la colère d'Allah Azza wa Jal qu'en se repentant. Bit-tawba. Et at-tawba ici a des conditions ash-shurut. Wa shartu al-awwal al-ikhlas lillahi Azza wa Jal. La première des conditions c'est la sincérité, pas pour que les gens disent foulain il s'est repenti, il est pieux, il est bien. Non, pour Allah. La deuxième des conditions, ceux qui ont mangé le riba ou ceux qui ont fait des crédits et qui ont des maisons maintenant, qui ont des voitures, et qui ont fait des crédits. Est-ce que c'est fini? La porte du repentir n'est jamais fermée tant que tu n'as pas rendu l'âme, ya Abdallah. Tant que tu n'as pas rendu l'âme, n'oublie jamais. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse sa colère. Ici, sois sincère auprès d'Allah Azza wa Jal. Deuxième des choses, al-nadam. Kama qala al-ulama, wa qala ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, al-nadam huwa al-rukn al-a'zam min arkani tawba. C'est le pilier le plus grand parmi les piliers de tawba du repentir. Regretter. Ya Rabb, je regrette. Astaghfirullah. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu regrettes le crédit que tu as fait. Troisième des conditions, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. C'est pas ya Rabb, ismahliya, ya Rabb, ighfirli, Allahumma tub alayya, Allahumma ighfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, Allahumma je regrette, etc. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, une occasion vient et tu refais un crédit. Non, tu dis je refais plus de crédit. Bi idnillah, j'ai la ferme résolution de plus recommencer. Khalas. Alhamdulillah, tu es en train de remplir les conditions de ici à Tawba. Dernière des conditions, délaisser le péché dans lequel tu es. Ah, selon tes capacités. Tu délaisses le péché directement. Tu étais dans Zina, délaisse Zina. Tu étais dans Al-Khamr, tu délaisses Al-Khamr. Tu délaisses. Quand tu as réuni ces conditions, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala, ton repentir est accepté. Voilà qu'il y a une exception concernant Al-Riba ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد. الله عز وجل parle de celui qui revient. Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui délaisse al-riba, l'intérêt usuraire, d'accord, les intérêts usuraires, dès que l'exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala lui est venue, on lui a dit ittaqillah ya akhi al-habib c'est haram. Regarde, قال الله قال الرسول بفهم سلف الأمة. Il dit ya Rab astaghfirullah. Il se repent directement. Il délaisse le crédit bancaire, même s'il a une maison, il est en train de payer. Il regrette, il a rempli les conditions, mais simplement il est encore dedans. C'est la dernière condition. Il peut pas le laisser, il peut pas se détacher. Il paye toujours. Et il délaisse après que, ici, l'exhortation lui soit venue. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Ce qui est passé, lui appartient. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la maison que tu es en train de payer avec Al-Riba. La voiture que tu es en train de payer Al-Riba, elle est halal pour toi. Voilà qu'il ce qui t'est demandé, c'est de quoi? De te débarrasser de ce crédit et de ses intérêts usuraires le plus rapidement possible selon tes capacités. Si tu dis, moi je n'ai pas d'autre capacité que de continuer à payer tous les mois. Khalas. Tu as été sincère, tu as regretté, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Et à côté, n'oublie pas le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ici, les bonnes actions font dissiper. Ici, les bonnes actions font dissiper les mauvaises actions. Donc, fais des bonnes actions, particulièrement des aumônes à sadaqa, l'aumône pour bi'idnillah subhanahu wa ta'ala avoir l'intention que de par ces aumônes-là, par la cause de ces aumônes-là, Allah subhanahu wa ta'ala purifie ton argent. Donc ici, tu gardes ta maison, tu continues à payer. Tu gardes ta voiture, tu continues à payer. S'il t'est venu l'exhortation, tu ne savais pas, tu t'es repenti auprès d'Allah Azza wa Jal, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Wa man aada, Allah Azza wa Jal dit, mais par contre, celui qui revient, qui récidive, alors les voilà, fa'ulaika ashabun nar. Allah dit, voilà les gens de l'enfer, wal'iyadu billah, hum fiha khalidun, ils demeureront éternellement. Toi, il t'est venu l'exhortation et tu refais encore. Allah, il dit, ce sont ceux-là les gens du feu et ils demeureront dans le feu éternellement, wal'iyadu billah. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit dans le tafsir de ce verset coranique, cela signifie que si celui qui apprend l'interdiction, d'accord, de al-riba, s'en abstient immédiatement, il tout billah azza wa jal mubasharatan, directement après avoir lu l'exhortation al-maw'idha venant du Coran. Ici, ce qu'il avait fait dans le passé lui est pardonné en vertu des propos d'Allah azza wa jal. Allah a pardonné ce qui a précédé. C'est comme ce que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit lors de la conquête de la Mecque. Lors de la conquête de la Mecque, le prophète a dit, tout est fait de l'usure, al-riba, pratiqué à l'époque de l'jahiliya, l'anti-islamique, est placé sous mes pieds, c'est-à-dire est annulé. Quand il a annulé ce qui était dû aux usuriers, en plus du capital, il n'a pas exigé aux usuriers de la restitution des intérêts perçus à l'époque anti-islamique. Clair? Donc il leur a dit garder. Khalas. Et vous n'avez pas droit, vous n'avez pas besoin de restituer les choses que vous avez acquéries à travers les riba, les intérêts usuraires. De là, les gens de science ont dit, ici, tu n'as pas à restituer ou à te débarrasser de la maison, à la revendre, etc. Ou à laquelle tu la gardes, tu te débarrasses des intérêts usuraires après que tu te sois, bien sûr, repenti sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, pour te racheter, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, montrer à Allah azza wa jalla que tu es sincère, utilise les arguments que j'ai dit là, avec bonne exhortation et avec sincérité, sagesse et douceur, pour les répéter aux gens qui sont dans le riba, ou les gens qui, écoute bien, tu peux changer toute la vie, être la cause que la vie d'une personne change. Si toi tu arrives à l'exhorter avant qu'il se lance dans le riba, combien de gens sont venus nous voir, voilà, nous zakir Allah ahad. Et ils étaient prêts à faire des crédits bancaires. Quand on leur a apporté quelques preuves, wallah, combien de gens, plusieurs personnes, ils nous ont dit, wallah, je m'apprêtais à faire un crédit. Alhamdulillah que je ne l'ai pas fait. Tu imagines, tu peux être la cause, ici, quelque part, de sauver des centaines et centaines de personnes. Ou dit des dizaines et dizaines de personnes. Ou dit ne serait-ce qu'une personne. Tu imagines ce que tu as gagné. Tu es la cause, ici, que tu as évité à une personne de faire un péché qui est comparable au fait de forniquer avec sa mère, qui est pire que 36 fornications. Tu l'as évité de recevoir la malédiction du prophète alayhi salatu wa salam. Tu l'as évité de ressusciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui a été bouleversé par le toucher de shaitan. Tu lui as évité de recevoir la guerre de la part d'Allah et de son messager. Tu es la cause de cela. Imagine-toi les montagnes de ajr, de récompenses, al-ujur, les récompenses que tu as prises bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. L'importance de da'watu ilallahi azza wa jal bil-hikmati wal-maw'idati al-hasana. Tu peux être la cause du changement de beaucoup de vies à travers da'watu ilallah avec sagesse et science. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui dit une plus belle parole? Allah il dit qui? Il n'y a pas. Qui dit une plus belle parole que celui qui appelle à Allah et qui accomplit les œuvres salutaires et qui dit je fais partie des croyants. Les savants ils ont dit c'est une preuve de tawadu, des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui dit une plus belle parole que cela. Regardez et n'oubliez pas, quand vous faites da'watu lillahi azza wa jal, vous pouvez être le changement ou la cause du changement de toute une vie, bien plus que cela. Tu vas préserver par la permission d'Allah azza wa jal cette personne du feu, sa descendance. Tu vas éviter à ses enfants, à son épouse de manger du feu, d'être maudit, de pas avoir de baraka dans son éducation, juste avec quoi? Avec 3 ou 4 exhortations, 4 ou 5 preuves que tu as apportées avec un peu de sagesse. Donc c'est pour ça, nous rappelons à nos frères et sœurs, ne restez pas dormir. Nous avons cette lourde responsabilité qui est quoi? Ad-da'watu ilallahi azza wa jal. La transmission de cette noble religion qui est l'islam ayyuhal ahibba, avec science, ala basira, avec clairvoyance. Et il n'y a pas besoin d'être un grand savant, un grand prédicateur, un grand imam pour gagner des millions et des millions de hasanat. Ici simplement tu prends des arguments que tu as bien compris avec la compréhension des ancêtres pieux et tu le transmets avec sagesse, c'est-à-dire au moment où il faut, de la manière qu'il faut, d'accord, ici de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut et de la façon qu'il faut. Ici, alhamdoulilah, tu es un prédicateur et chacun est peut-être un prédicateur. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wajib. Il dit c'est obligatoire pour tous les musulmans et les musulmanes. Il dit c'est fard ayn. C'est une obligation qui incombe à tous les musulmans et les musulmanes, à tout le monde, selon ses capacités. Tu sais que ici la prière c'est obligatoire, vas-y, ordonne aux gens de faire la prière, mais avec sagesse, avec douceur. Tu sais que l'alcool c'est interdit, interdit aux gens de boire de l'alcool, avec douceur, avec sagesse, avec bonne exhortation. Tu sais que des choses de base tu les sais, t'es obligé de les transmettre. Et tu n'as pas le droit de dire moi je fais ma petite vie tranquille, alhamdoulilah, je suis bien, Allah a dit préservez vos personnes et vos familles du feu, je m'occupe pas des gens. Abadan, tu rendras des comptes sur les gens. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisan Daoud wa Isa bani Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu bima asaw wa kanu ya'tadun n'am kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Allah Azza wa Jalla a rappelé que ceux qui ont réagi comme ces personnes-là, moi je fais ma vie tranquille et je vois le munkar, je dis rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lu'ina alladhina kafaru min bani Israël, ceux des enfants d'Israël qui avaient mécru ont été maudits par la bouche de Isa et de Daoud. Pourquoi? Car ils désobéissaient, ils transgressaient et ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient mutuellement. Ils ont reçu la malédiction de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voyaient munkar, chacun sa vie. L'autre, il voyait l'autre souffrir avant munkar, chacun sa vie. Allah Azza wa Jalla l'a dit, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ. Ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils sont sortis de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est une forme d'égoïsme, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Tu joues avec une personne, tu t'amuses, tu ris avec cette personne, alors que tu sais qu'il fait des choses qui ont encouru et qui encourent la colère d'Allah et qui sera une cause qu'il va être peut-être en enfer, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, tu ris avec lui. C'est pour ça, nous disons, n'écoute pas toujours celui qui est toujours gentil avec toi, le sourire avec toi, mais quelquefois ça fait du bien d'écouter les gens qui nous disent des paroles qui nous font mal, quand ces paroles sont une vérité. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.